ok. En quoi faire pouvoir faire de l'or pur à tort vu tout ce qu'on sort comme d'une. Dès lors on déplore du sort, ces coups tordus. Quand des hordes tordures imposent leur imposture, on triture nos rimes en torture, on trime en posture. Mais on avance encore quand des tortues. On a coutume de dire qu'on n'écoute plus les rires des faux culs, car c'est foutu, trop tard on est mordu. D'autant plus que je vais pas tant te décéder pour être connu. Je vais céder tes bonus sur mes CD. C'est le premier opus parce que je suis décidé pour aller droit au but. Ça sert à rien d'essayer d'aller le vendre au bus. Au passage, la 23 est un haut but. Beaucoup n'osent plus clash qu'au 5ème si lâche un nouvel obus. Encore plus robuste, dos plus rap, centre brut ou propre sûr. Deux genres qui t'attrapent direct au bus. J'aime le son brut sans artifice. Faut comprendre ce que je dis quand je rentre en piste. Moi je me prends la tête sur mes lyrics. Donc tant pis si tu me joues pas dans ta playlist. Tu trouves mes morceaux un peu trop tristes. Mais tu bouges ta tête comme un autiste. Plus attendu que le retour du Christ. Rien que du nouveau et pas de remix. Narcos une valeur sûre qui monte en puissance. Cercle prix de naissance 2007 sonne la renaissance. Le comeback du rap à sens. Quand j'écris pas de complaisance, t'es pas au steak mais viens en France. 9-5, origine à contrôler, direction Albi. Dans le hip hop j'suis enrôlé, rappeur solo mais toujours bien épaulé. Ici Montpellier j'pose mes valises pour décoller. Parti de rien j'dois faire mes preuves. Prêt à gravir les échelons et les épreuves. Dans ce combat y'a pas de trêve, même pas le temps de faire la grève. Mon âge n'enlève rien à ma crédibilité. Mes convictions elles seules garantissent la qualité. Demande à mes potes à quel point je suis investi. C'est au quotidien que les vrais gars je réunis. Dans le hip-hop il y a trop de travestis qui se disent underground mais avec un sale esprit. Ok, Narcos, Strike MC, c'est 8-2. Ta connexion, round 2. Un beau jour je l'écris, le lendemain je le crie. Dans mon texte toujours une partie de moi-même que je décris. Je vais pas te dire que j'ai une vie sans répit. Que sous les flashs elle crépite pour paraître plus crédible. Il peut naître en deux styles, après te connaître d'esprit. Le style suit avec respect ce que lui dit mon esprit. T'en fais pas c'est exprès si le texte rime. Car même écrit en express il reflète ce qu'on exprime. On se sert de nos plumes mais on fait pas dans le léger. Si nos textes sont bien léchés, non c'est pas pour des prunes. Quand je me trouve dans la brume j'écris pour me relâcher ou pour me soulager du poil enclume. Quand on me casse les burnes on écrit pour partager. Pas pour engranger des thunes, on peut faire du rap engagé. Calme ou enragé quand on hurle parfois imagé. Des rimes sur le cahier j'en ai des pages ouais hein. Mon seul but, ramener du son frais. Capable de redorer le blason du hip-hop français. Faire des français, ce qui motive certains pour avancer. Devancer l'industrie du disque, c'est ce qu'ils doivent penser. Voilà une décennie que le rap est malade. Pollué par le R&B et des chanteurs de balade. Vas-y bouffon, tu peux te garder ton accolade. Taf ta diction et arrête le collal. On m'a dit que sur ce pâté on trouverait le Saint Graal. Quand viendra l'addition, tu deviendras tout pâle. Je préfère poser 10 sons que des feats à tout va. Que ce soit de la balle. Et si nous unissons, on sait où on va. Évitant les trinque-balles. C'est Narcos et je m'invite dans le bal. En 2007 je pose, je représente et je déballe. Rap de puriste, tu le sais. On va pas faire des bas. J'insiste pour percer mais y'a des hauts et des bas. Tu le sais. Strike Narcos 1 34-080 jusqu'au 8-1 8-2-31. La connexion est faite, j'oublie pas. Noska, Aurel, 6K, DJ Tralis et Nesta. La famille.